s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 8. La liberté de savoir, la sagesse critique à l'ère de l'effondrement. Dans l'introduction, j'ai employé la métaphore d'un match de boxe pour parler du sentiment d'étourdissement et de confusion qui saisit tant d'entre nous lorsque nous suivons l'actualité, qu'il s'agisse de nos domaines d'expertise ou plus généralement des gros titres sur la société et le monde. Malheureusement, lire ces articles n'apporte aucun réconfort, car il existe de nombreux rapports effrayants sur des problèmes spécifiques et beaucoup de livres au contenu quelque peu apocalyptique comme celui-ci. Il m'a fallu de nombreuses années d'une carrière nécessairement optimiste dans le domaine du développement durable des entreprises pour découvrir qu'il vaut mieux toucher le fond, si j'ose dire, et prendre le temps de respirer et de récupérer. En acceptant d'être au plus bas, intellectuellement et émotionnellement, nous pouvons ouvrir les yeux et découvrir qu'il y a d'autres personnes affaissées à nos côtés, tout aussi abattues par les informations, les événements difficiles et les sombres pronostics. Nous pouvons partager des idées sur la manière de se relever et d'adopter une démarche qui fera moins trébucher qu'auparavant. Nous pouvons nous élever en abandonnant ce qui est désormais superflu, comme ces idées et ces identités qui pesaient sur nous et nous encombraient dans nos parcours de vie. Tel est le pessimisme positif auquel je suis parvenue ces dernières années. Dans cette seconde moitié du livre, je vais expliquer certains éléments qui ont compté dans ma réflexion. Je ne voulais pas m'écrouler. Au fil des ans, mes réactions face à des situations qui s'aggravaient ou à des progrès insignifiants étaient typiques de celles identifiées par les psychologues, le combat, la fuite, l'immobilisation ou la soumission. Fight, flight, freeze or fawn. Chacune de ces quatre réactions se manifestait en moi. Je travaillais toujours plus dur, cherchant à obtenir plus de résultats, plus d'idées révolutionnaires, plus d'innovations et plus de succès. Et dans ce monde de combat, j'ignorais aussi celles et ceux qui disaient que nous avions besoin de changements plus profonds ou qu'il était peut-être trop tard. Aujourd'hui, je reconnais que je me suis aussi laissé distraire, profitant du statut et de l'expérience que me procurait le fait de travailler aux Nations Unies, d'avoir été nommé jeune leader global au sein du Forum économique mondial et de voyager dans le monde entier pour assister à des événements « entre guillemets importants » avec des personnes « entre guillemets importantes ». Ces distractions n'étaient pas seulement une manière d'échapper à la dure réalité, mais peut-être aussi une forme de soumission face à ce que je percevais comme la source du danger. En effet, ce que je me disais, c'est que j'essayais de plaire à toute personne ayant du pouvoir pour obtenir son soutien, plutôt que de vivre une situation conflictuelle. L'immobilisme se ressentait dans ma vie personnelle et mes projets d'avenir. Je ne prenais tout simplement pas au sérieux les aspects ordinaires de l'existence dans ce mode de vie anxiogène. Pendant des années, je refusais de me laisser véritablement imprégner par les informations auxquelles j'accédais et ce qu'elles impliquaient. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond dans les récits du GIEC, mais je choisissais de l'ignorer. Puis, lorsque j'ai finalement examiné la situation à sa juste mesure, et lorsque j'ai accepté que mes présupposés soient profondément remis en cause, une transformation s'est amorcée. J'étais dans un tel état que s'est immédiatement imposé à moi la nécessité de faire une pause et de ne précipiter ni mes conclusions ni mes actions. En effet, un tel mouvement peut résulter de la peur ou même de la crainte d'éprouver des émotions encore plus difficiles. Au lieu de cela, j'ai senti que nous avions besoin de plus de moyens d'aborder ce sujet avec d'autres personnes, de façon ouverte de cœur et d'esprit. C'est ce que j'ai proposé dans mon article Deep Adaptation de 2018, qui est devenu viral. L'adaptation radicale fait référence aux changements personnels et collectifs qui pourraient nous aider à nous préparer à l'effondrement des sociétés dans lesquelles nous vivons et à vivre avec. Le terme Deep Adaptation est aussi parfois traduit par le terme adaptation profonde, mais l'expression adoptée par le réseau Deep Adaptation francophone est celle d'adaptation radicale. Voir aussi le livre de Jem Bendel paru en 2020 aux éditions Les Liens qui Libèrent, Adaptation radicale. Contrairement aux activités classiques sur l'adaptation aux changements écologiques et climatiques, l'adaptation radicale ne part pas du principe que nos systèmes économiques, sociaux et politiques actuels peuvent résister à un changement climatique rapide. L'éthique qu'elle met en avant est celle d'un engagement curieux et compatissant avec cette nouvelle réalité, cherchant à atténuer les chocs et à tirer des enseignements du processus, plutôt que de se détourner de la souffrance d'autrui et de la nature. Elle place l'accent sur le dialogue, par le biais de 4 questions qui peuvent aider toute personne partageant cette vision de l'avenir à explorer des manières d'être, ainsi qu'un registre d'action. Les 4 questions présentées ici sont aussi évoquées par l'auteur comme constituant l'approche des 4 R, qui sera de nouveau mentionnée au chapitre 12. Déterminer ce à quoi nous tenons le plus et que nous voulons conserver, et la manière de le faire, est une question de résilience. Décider de ce que nous devons abandonner pour ne pas aggraver la situation est une question de renoncement. Comprendre ce que nous pourrions faire revenir pour nous aider dans ces moments difficiles est une question de restauration. Et réaliser avec qui et avec quoi nous devons faire la paix, à mesure que nous prenons conscience de notre mortalité mutuelle, est une question de réconciliation. Au sein d'un réseau de bénévoles, le Deep Adaptation Forum, nous avons mis au point des méthodes d'animation de groupe qui aident tout participant et toute participante à s'autoriser de ressentir ses émotions, d'en être témoin et de les accepter face à ces sujets difficiles. Ce processus, le Deep Relating, a également pour but d'aider chacun et chacune à accepter la perte des anciens récits gouvernant notre vie et le sens de cette dernière, nos buts ou les rôles que nous endossons, sans nous précipiter pour en adopter de nouveaux. L'idée est que nous puissions nous accepter, nous-mêmes et mutuellement, sans avoir besoin pour cela de récits selon lesquels notre existence est utile ou appropriée à notre société, et que cela nous apporte plus de possibilités de nous diriger en douceur vers un nouveau mode de vie, en réponse à notre acceptation de l'effondrement. Une période de bouleversement dans nos vieux récits sur la réalité, soi, autrui, la société, et peut-être même le sacré, peut devenir libératrice, mais elle nous rend aussi vulnérables aux manipulations extérieures. Si nous ne parvenons pas à mieux comprendre notre façon de penser et la manière dont cette dernière est influencée par les forces extérieures et nos propres émotions, nous risquons de ne pas être aussi sages que nous pourrions l'être. La façon dont nos perceptions et nos actions sont manipulées de manière néfaste par les entreprises et le pouvoir de l'argent est un sujet que nous explorerons en profondeur au chapitre 10. Cette manipulation est d'autant plus préoccupante si vous pensez, comme moi, que la liberté de nous comprendre nous-mêmes et de faire nos choix en conséquence est à la fois une valeur fondamentale et une nécessité pratique. Selon la définition que j'ai présentée dans l'introduction, la liberté est notre capacité à penser et à agir comme nous le souhaitons, sans coercition ni manipulation, et en étant consciente de notre situation et des effets possibles de nos choix, ce que nous étudierons plus en détail au chapitre 11. Depuis que j'ai quitté le Deep Adaptation Forum en 2020, je me suis rendu compte que les personnes conscientes de l'effondrement sont aussi ouvertes que n'importe qui aux manipulations du pouvoir des entreprises qui opèrent par le biais des médias, des technologies dominantes, de la publicité, des relations publiques, de la finance, de la réglementation, des résultats scientifiques ou académiques biaisés et de la politique. Lorsque nous ne disposons pas de certains éléments fondamentaux nous permettant d'accéder à notre propre sagesse, nous risquons, même avec les meilleures intentions du monde, de devenir les relais des intérêts du pouvoir des entreprises, ce qui a des effets nuisibles sur les sociétés au fur et à mesure qu'elles se désagrègent. J'en ai donc conclu que le travail que j'ai effectué au cours des décennies précédentes pour aider les gens à cultiver leur sagesse critique est également pertinent pour le domaine de l'adaptation radicale. L'une de mes occupations professionnelles a été celle d'éducateur. Dans ce cadre, j'ai aidé d'autres personnes à réfléchir à leurs pensées et à leurs sentiments et aux manières dont ces phénomènes sont liés. C'est pourquoi, dans ce chapitre, je vais changer d'angle d'approche et en dire davantage sur cette perspective et sa pertinence pour cette nouvelle ère d'effondrement. Ce que j'appelle la sagesse critique est la capacité subtile à se comprendre soi-même dans le monde. Elle combine les capacités de la pleine conscience, mindfulness, de la culture critique, critical literacy, de la rationalité et de l'intuition. Avoir une capacité de pleine conscience implique de porter une attention aux motivations de nos pensées, y compris nos états d'esprit, nos affects et les raisons expliquant notre volonté de connaître des phénomènes. Être capable de rationalité implique une attention pour la logique, les sophismes et les différents biais qui nous affectent. Avoir une culture critique implique une prise de conscience de la manière dont les outils par lesquels nous pensons, y compris les concepts et les récits construits linguistiquement, sont dérivés de notre contexte culturel et le reproduisent, y compris les relations de pouvoir qui le traversent. Et la capacité d'intuition implique une attention à la connaissance issue d'expériences non conceptuelles, y compris les illuminations soudaines et les idées issues d'états de conscience non ordinaires. De nombreux ouvrages ont été écrits sur chacune de ces capacités, qui sont toutes importantes pour nourrir une sagesse critique en temps d'effondrement. Dans ce chapitre, je me concentrerai sur la culture critique, car sans elle, nous risquons d'être manipulés par les élites, ce qui pourrait engendrer de nouvelles tragédies. Mais avant cela, je souhaite partager quelques réflexions sur ce que j'entends par la pleine conscience, car cela m'aidera à expliciter le point de vue adopté pour rédiger ce chapitre et ce livre tout entier. Nous voulons tous et toutes non seulement faire l'expérience de la vie, mais aussi la connaître conceptuellement dans une certaine mesure, c'est-à-dire savoir ce qu'est la réalité, notre relation avec elle et ce qui est bon ou mauvais. Les motivations qui nous poussent à vouloir connaître la vie de cette manière sont déterminantes pour savoir si nous acquérons de véritables connaissances ou si nous ne faisons que nous fourvoyer davantage dans nos illusions. Voulons-nous connaître la vie pour mieux appréhender la stabilité de la réalité et ensuite y prêter moins d'attention ? Il s'agit là d'un désir d'ordre qui, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut devenir une cause fondamentale d'illusion. Voulons-nous connaître la vie pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe particulier ? Il s'agit là d'un désir d'appartenance qui, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut devenir une deuxième cause d'illusion. Voulons-nous connaître la vie pour gagner un certain statut au sein d'un groupe auquel nous nous identifions ? Il s'agit là d'un désir de pouvoir qui, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut devenir une troisième cause d'illusion. Voulons-nous connaître la vie afin de pouvoir blâmer quelqu'un ou quelque chose pour la douleur que nous éprouvons au cours de celle-ci ? Il s'agit là d'un désir d'absolution qui, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut devenir une quatrième cause d'illusion. Chacune de ces causes d'illusion est liée à une aversion pour l'impermanence de la vie et pour les risques que nous percevons vis-à-vis de notre sécurité individuelle. Il est pratiquement impossible de se débarrasser de ces motivations et il est risqué de croire qu'on y soit parvenu. Cependant, différentes stratégies peuvent nous aider à prendre conscience de ces motivations en nous, afin que nous ne soyons pas accaparés par elles et que nous puissions accéder à plus de sagesse. Tout d'abord, nous pouvons cultiver des états d'esprit qui sont à la fois attentifs à nos émotions et motivations intérieures et qui cultivent une plus grande bienveillance à l'égard de toute forme de vie. On pourrait s'appuyer sur la pratique bien connue de la méditation, mais sans un contexte favorable, il sera difficile de surmonter l'attrait constant pour l'illusion. Deuxièmement, et en conséquence, il faut choisir de devenir moins ou pas du tout dépendant-dépendante des institutions qui façonnent notre perception des choses. Un employeur ou une employeuse, par exemple, et parfois une carrière, peuvent définir notre identité tout comme notre vision du monde. Il peut être utile de s'impliquer dans des réseaux de personnes qui se soutiennent mutuellement au travers de conversations visant à donner un sens à la situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons. Mais compte tenu de la prédominance de l'aversion pour la mort dans toutes les constructions culturelles de l'humanité et dans nos propres choix de vie, une troisième décision importante consiste à chercher à prendre conscience de toute anxiété ou de tout déni concernant notre mortalité, et à tenter de se réconcilier avec notre propre mort, avec la mort d'autres êtres vivants et avec tout sentiment lié au vieillissement et à la perte. J'ai fini par comprendre que, de manière regrettable, de nombreux enseignements spirituels, tant traditionnels que contre-culturels, nous propose d'échapper à notre aversion pour la mort par des récits selon lesquels notre ego individuel est encore plus grand dans l'espace, le temps et autres dimensions. Le problème est que les gens ressentent alors le besoin de valider et de propager ces récits au sein de groupes et d'exclure, ou pire, celles et ceux qui ne croient pas la même chose. La pleine conscience consiste à ne pas laisser les réactions affectives que nous pouvons éprouver vis-à-vis de différents récits de la réalité, dicter notre adhésion à ces derniers. Il s'agit donc de laisser libre cours à tout sentiment douloureux d'aversion pour la mort, plutôt que de chercher à y échapper par un récit. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 12, sur les réponses positives à la prise de conscience de l'effondrement. Accompagné de cette idée de la pleine conscience telle que je viens de la décrire, j'ai pu aborder les 2 années de recherche nécessaires à l'écriture de ce livre sans chercher à voir la situation humaine d'une manière ou d'une autre. Ma formation et mon expérience en matière de culture critique ont été tout aussi importantes, car elles m'ont permis d'interroger des concepts qui circulent au sein de différents domaines d'études et qui s'avèrent pertinents pour évaluer la situation difficile de l'humanité. Dans la suite de ce chapitre, je vais donc expliquer ce que j'entends par là et montrer en quoi c'est utile. La nature et l'importance de la culture critique. La culture critique est une capacité qui repose sur quelques idées simples concernant la manière dont nous percevons le monde et dont ces perceptions influencent nos interactions et même la nature du monde lui-même. Selon cette perspective, la réalité doit être considérée comme irréductiblement interconnectée et changeante. Notre perception est rendue possible et se trouve en même temps limitée par nos sens, et notre cognition, quant à elle, est rendue possible tout en étant également limité, par le processus d'exclusion de certains stimuli lorsque nous nous concentrons sur d'autres stimuli. Notre conceptualisation est basée sur cela. Tout ce que nous expérimentons est soit regroupé en une seule chose, soit séparé d'autres choses. Les symboles et le langage accentuent ce processus en établissant des connexions et des déconnexions, conscientes et inconscientes, entre les pensées ou les émotions liées aux phénomènes. Ces symboles et ce langage ne sont pas les phénomènes auxquels ils se réfèrent, mais sont des phénomènes en soi. Ils peuvent être décrits de la manière suivante. Un concept simple est relié à d'autres concepts par le biais d'un cadre, c'est-à-dire une constellation de concepts, qui est relié à d'autres cadres dans un récit, une séquence de cadres. Lui-même relié à d'autres récits dans un discours sociétal. L'ensemble des idées interdépendantes communiquées à l'aide de symboles et de langages au sein d'un groupe culturel. Ces concepts, cadres, récits et discours n'émergent pas seulement des personnes, mais façonnent également ce que les personnes jugent possible ou approprié de penser, de dire ou de faire. La sociologie, la psychologie sociale, la linguistique cognitive et l'anthropologie étudient ces processus depuis plusieurs décennies. Pour moi, Le point le plus important est que si nous ne sommes pas conscients et conscientes de la manière dont les symboles et le langage nous façonnent, nous sommes vulnérables à la manipulation. Il serait erroné de prétendre qu'une vision critique du monde nie l'existence d'une réalité sous-jacente, antérieure à l'interprétation que nous en faisons, ou que nous ne devrions nous intéresser à la communication que sous l'angle de l'égalisation des relations de pouvoir. Un point sur lequel je reviendrai plus tard. Au contraire, les chercheurs et chercheuses faisant usage de théories sociales critiques examinent la manière dont des idées particulières créent et soutiennent les inégalités de pouvoir dans les sociétés, afin que nous soyons mieux à même d'envisager notre participation à ces processus. S'inspirant de leurs travaux, la culture critique implique un examen plus approfondi de la manière dont le langage et les symboles sont utilisés dans la société pour nous permettre ou empêcher des possibilités qui peuvent profiter à certaines personnes et à certaines actions, mais pas à d'autres. Mais pour ne pas vous ennuyer davantage, prenons un exemple. Lorsqu'une usine ouvre ses portes, on lira peut-être à la une d'un journal « L'entreprise X crée 100 emplois ». Le cadre est ici l'idée de création et le fait que c'est une entreprise qui effectue cette création. Ce cadre est positif car nous aimons tous et toutes la création. En outre, ce cadre invite à l'éloge car il y a quelqu'un ou quelque chose qui crée, en l'occurrence l'entreprise ou sa direction. Lorsque cette même usine ferme ses portes, le même cadre devrait se refléter dans le titre. L'entreprise X détruit 100 emplois. Cela vous paraît étrange? C'est bien normal, car une phrase nous paraît étrange lorsque nous n'utilisons pas les expressions et les cadres auxquels nous sommes habitués. Pourtant, ce titre utiliserait le même cadre que le premier titre, puisque la destruction est l'opposé de la création. Au lieu de cela, le titre que nous lirons sera toujours « 100 emplois perdus ». En français, on parlera plus volontiers de licenciement économique, mais de toute évidence, la logique reste la même. Encore faudra-t-il que cet événement fasse la une d'un journal, car aucune agence de relations publiques n'ira promouvoir la nouvelle auprès des médias. L'expression « 100 emplois perdus » fait référence à la perte de quelque chose. Or, qui a perdu cette chose? Les personnes qui ont un emploi. Par conséquent, selon ce cadre, l'attention n'est pas portée sur l'entreprise qui choisit de détruire les emplois, mais sur les emplois perdus. Or, une employée ne se réveille pas un beau matin en ayant perdu son emploi, comme on perd ses clés. Alors, ces personnes perdent-elles leur emploi comme on perdrait un ou une amie après une dispute? Cela ne se voit pas, mais le travail idéologique est déjà fait en détournant l'attention de l'action potentielle de la direction de l'entreprise dans la prise de décision. Ce cadre est tellement normalisé dans la société que même les politiciens-politiciennes et les médias de gauche ne parlent pas de destruction d'emplois. Et il aura fallu un vendeur en chef, Donald Trump, pour qu'un tel langage soit pour la première fois employé dans le champ politique aux heures de grande écoute. Le pouvoir du cadrage réside dans ce qu'il nous invite à penser et à ne pas penser, influençant par là les possibilités de changement, y compris en ce qui concerne les dynamiques de pouvoir. Une autre clé du pouvoir du cadrage est qu'il peut être normalisé au point de sembler être une description de bon sens de la réalité. Le remettre en question sera interprété comme un acte étrange ou excessivement politique. Un autre exemple peut aider à illustrer à la fois la puissance explicative de la culture critique et la simplicité de sa mise en œuvre. Pour commencer, imaginez un instant une personne en costume-cravate gris marchant dans la rue. À quoi ressemble la rue? Et comment décririez-vous la démarche de cette personne? Avez-vous imaginé un homme? Probablement, et nous y reviendrons. Mais d'abord, il y a trois niveaux de lecture dites critiques de ce phénomène culturel qu'est le port du costume. Le premier niveau est celui où l'on remarque le style de cet habit et où l'on se demande s'il a l'air, entre guillemets, professionnel. Nous pouvons remarquer certaines de nos suppositions concernant la richesse ou le style de la personne ou peut-être sa profession. Nous pouvons remarquer la couleur de leur cravate et nous demander si cela signifie que cette personne est à la mode ou légèrement originale. Ce type d'observation peut être conscient ou inconscient. Un deuxième niveau d'observation peut consister en une lecture plus critique de la symbolique du costume et de la cravate, où nous explorons ce que la personne qui porte le costume pourrait essayer de communiquer. Par exemple, peut-être essaie-t-elle de communiquer qu'elle s'engage sérieusement dans son travail. Nous pouvons remarquer les récits que nous nous racontons sur cette personne et sur ses intentions ou sa personnalité. Un troisième niveau de lecture de cette symbologie de rue consiste à prendre en compte les récits culturels plus larges qui sont mobilisés dans le port du vêtement et les conversations culturelles qui existent entre cette personne, nous et la société. Par exemple, nous pourrions considérer que la cravate est associée au pouvoir, au statut ou au rang. On peut même se demander s'il ne faudrait pas prendre en compte la forme, plutôt phallique, de la cravate. Étant donné que la cravate actuelle tire son origine historique d'une cravate d'aspect non phallique, il y a des raisons de penser qu'elle s'est transformée en quelque chose symbolisant davantage la puissance masculine. Vous remarquerez peut-être que la cravate indique que la manière d'être d'une personne au travail est différente de celle d'une personne qui n'est pas au travail. Vous pourriez réfléchir à ce que cela signifie pour le monde du travail et à la manière dont nous sommes censés distinguer le travail et la vie personnelle, le public et le privé, et à ce que cette distinction permet de rendre acceptable dans des contextes professionnels, au bénéfice ou au détriment de la société et de la planète. Nous pourrions même aller un peu plus loin au niveau des sensations, c'est-à-dire de la réalité telle que nous la connaissons et l'expérimentons sur notre peau. La cravate et le col rigide pourraient-ils procurer à la personne un certain avantage lié au sentiment de conformité avec des récits sociaux et à la confirmation visuelle de ce sentiment aux yeux des autres, qui lui ferait oublier la sensation d'inconfort causée sur sa peau par le col rigide? Nous pourrions réfléchir au fait qu'une sensation d'inconfort autour du cou peut en fait être réconfortante pour certaines d'entre nous, par exemple si elle nous rappelle que nous appartenons à un certain groupe et que nous serons traités en conséquence. Par conséquent, nous pourrions reconnaître que même les sensations physiques peuvent être codées culturellement. Une lecture critique implique que nous examinions comment les hiérarchies institutionnelles ont façonné cette expérience pour la personne portant le vêtement et celle qui l'observe, de telle sorte que le port du costume et de la cravate puisse contribuer à reproduire certaines relations de pouvoir dans la société. Par exemple, nous pourrions considérer que dans certaines cultures, le costume est considéré comme une tenue professionnelle normale et que, parce qu'il n'est pas traditionnellement porté par les femmes, il est un exemple de la manière dont ce qui est associé au masculin définit ce qui est normal. Nous pourrions alors nous rappeler que ce code vestimentaire a vu le jour dans les cultures européennes et que les environnements bâtis des villes tropicales et subtropicales ont une empreinte carbone élevée en raison de la climatisation, devenue nécessaire pour que les porteurs-porteuses de costumes profitent d'un bureau confortable. Ce type de lecture à plusieurs niveaux des phénomènes culturels, qu'il s'agisse de symboles ou de langage, est un moyen de devenir plus consciente de nos habitudes et de celles des autres, afin de pouvoir nous engager dans un dialogue plus ouvert sur ces habitudes et la question de leur utilité. En tant que telle, il s'agit d'une méthode émancipatrice et par conséquent permettant des décisions collectives potentiellement plus intelligentes. On pourrait par exemple réduire la climatisation. Certaines se demanderont peut-être pourquoi on doit donner l'impression de ne pas être pleinement soi-même au travail. La culture critique nous permet également de remarquer comment la modernité impériale se propage et exerce son pouvoir de multiples façons, reliant le symbolique au matériel. Par exemple, les anthropologues de la mode ont décrit comment, pour, entre guillemets, civiliser les populations autochtones, les colonisateurs et colonisatrices ont souvent habillé ces populations, en particulier les enfants, dans le style colonial, ce qui constitue une forme de domination culturelle de leur corps. On peut effectuer un parallèle moderne pour considérer la façon dont le système de la mode mondialisée a en même temps promu les vêtements de style occidental et déversé ses vêtements en tant que déchets dans les pays pauvres, et ce faisant, conduit à l'effacement de bien des aspects culturels, de techniques de production traditionnelles et de modes de vie associés. Malheureusement, les théoriciens théoriciennes de la critique sociale sont assez difficiles à lire, encore plus difficiles que moi. Et même si je suis sociologue, je trouve pénible de lire Foucault, Habermas, Adorno, Derrida ou Irigaray, parmi d'autres théoriciens théoriciennes importantes. Je sais par mes étudiants et étudiantes que cette difficulté est largement ressentie, et c'est peut-être la raison pour laquelle la théorie critique est devenue facile à déformer par les commentateurs-commentatrices politiques décrivant un ennemi légendaire. Les théoriciens-théoriciennes critiques dans leur ensemble qu'on accuse de corrompre l'esprit de toute une génération. Nous reviendrons sur cette critique à la fin du chapitre, mais pour l'instant, il peut être utile d'énoncer les idées suivantes, qui sont évidentes pour les personnes travaillant dans ce domaine, mais peut-être moins pour vous si vous avez été exposé à certaines de ces attaques récentes. La théorie critique et la capacité de culture critique ne nient pas l'existence d'une réalité physique. Au contraire, ces disciplines nous permettent de mieux vivre cette réalité en attirant davantage notre attention sur nos œillères culturelles. La culture critique ne nie pas non plus le rôle des autres outils de la connaissance, tels que la rationalité, la pleine conscience et l'intuition, mais elle les complète. En effet, en attirant notre attention sur nos présupposés culturels, elle peut aider ces autres capacités de connaissance à produire une sagesse plus critique. La théorie critique ne prône pas non plus l'égalité économique ou culturelle intégrale de tous les individus. Au contraire, la notion même d'égalité peut être remise en question grâce à la culture critique. Que se passe-t-il si l'égalité n'est pas souhaitée? Qui décide de ce qui constitue l'égalité et si cela est possible? Et comment le concept d'égalité peut-il être utilisé pour permettre le pouvoir de certains-certaines au détriment d'autres? La culture critique ne préconise pas non plus que se libérer des rapports d'oppression soit le seul objectif de l'éducation ou de l'interaction sociale. La libération est plutôt considérée comme un aspect important de ces deux domaines qui ne peut exister sans que nous devenions tous et toutes plus conscients-conscientes des outils qui sous-tendent et façonnent nos pensées et qui dérivent des cultures dans lesquelles nous vivons. Développer nos capacités en matière de culture critique n'est pas sorcier, et la plupart d'entre nous le savent déjà. Nous pouvons par exemple choisir de prêter attention à davantage de choses et de considérer avec curiosité ce que nous tenons pour acquis. Nous pouvons commencer à reconnaître les récits subtils et profonds qui se déroulent en nous et autour de nous et auxquels nous participons tous les jours. Nous pouvons choisir de nous réjouir et non de nous sentir menacés par la possibilité que nos hypothèses, nos idées et nos habitudes soient des éléments à revisiter. Nous pouvons remarquer lorsqu'une idée bouscule légèrement notre façon habituelle de penser et ne pas la rejeter, mais être curieux, curieuse de nos réactions. Nous pouvons nous amuser à imaginer d'autres façons de décrire une même situation ou d'autres récits crédibles à son sujet. Nous pouvons être plus attentifs, attentives à la manière dont un concept, un cadre ou un récit particulier puisse admettre certaines possibilités et pas d'autres. Et nous demander quelles personnes, quels groupes ou quelles autres structures sociales profitent de tels choix, ou au contraire, quelles sont les conséquences néfastes générées par l'emploi du concept, cadre ou récit en question. Nous pouvons alors nous demander si des relations de pouvoir, comme celles qui sont liées à l'argent et à la richesse, ne favorisent pas un discours plutôt qu'un autre dans la société. Nous pouvons faire tout cela avec la certitude que la culture critique vient compléter et non pas supplanter nos capacités de pleine conscience, de rationalité et d'intuition pour mieux soutenir notre sagesse critique. En outre, nous pouvons nous assurer que, Quelles que soient nos découvertes sur la réalité, nous avons le choix de suivre toute norme culturelle ou de la remettre en question. Cela dépendra de ce qui compte à nos yeux, des opportunités qui se présentent, de ce qu'on peut considérer comme relevant d'une nostalgie inoffensive et agréable, et de nos ressources personnelles. En effet, nous n'avons pas à nous battre contre tout, ni tout le temps, à mesure que nous vivons de manière de plus en plus consciente. J'espère que ce livre fait honneur à cette idée de sagesse critique. Pour me plonger dans la littérature scientifique, j'ai non seulement dû faire preuve de rationalité, mais aussi être capable de reconnaître quand, comment et avec quelles conséquences la langue et la culture limitaient l'objet de mes recherches. Sans ma culture critique, j'aurais négligé certains des récits profondément ancrés dans ma culture, ma formation et mon identité qui bloquent la reconnaissance du problème insoluble auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Sans la pleine conscience, je n'aurais pas eu la capacité de revenir à ce qui est important pour moi, ce sur quoi je peux me concentrer ou que je peux suggérer à d'autres, plutôt que me laisser happer par mes désirs et mes aversions. Je n'aurais alors pas compris la nécessité de laisser se désintégrer mes anciennes idées et mon identité. Si je n'avais pas eu l'intuition que ce projet de livre devait être plus qu'un simple remaniement d'idées existantes, je n'aurais pas fait autant de sacrifices au cours des 2 dernières années pour en arriver à ce stade. Et je n'aurais pas produit un tome aussi épais. Un environnementalisme anti-radical. Cette sagesse critique peut être d'une aide précieuse pour nous aider à trouver des moyens positifs de vivre dans une nouvelle ère d'effondrement. En raison de leur importance dans l'espace public, le mouvement écologiste et la protection de l'environnement en tant que champ professionnel constituent des domaines dans lesquels cette sagesse doit s'exercer. Depuis que je me suis libérée de l'obligation morale de rester positif quant aux possibilités de prolonger le mode de vie des sociétés modernes, j'ai commencé à réaliser à quel point une idéologie réformiste se trouve constamment renforcée par les communications provenant des acteurs dominants du secteur environnemental. C'est le cas même des publications et des personnes dont on imagine qu'elles promeuvent l'action en faveur de l'environnement. Cela ne reflète pas une intention d'induire les gens en erreur. Simplement, ils et elles reçoivent et reproduisent sans esprit critique les cadres qui circulent dans notre société. Pour explorer avec mes élèves le travail idéologique qui se fait autour de nous, j'ai relevé des titres des articles et les photos publiées dans la section « Environnement » du journal The Guardian sur une période d'une journée choisie au hasard. Il s'agit d'un journal britannique sérieux dont l'histoire est complexe. Elle est émaillée à la fois d'exemples de critiques des pouvoirs en place, mais aussi des défenses de l'aventurisme militaire ainsi que d'un travail de sape vis-à-vis de nombreux défis adressés aux institutions dominantes. Ce journal accorde une place importante aux questions environnementales, ce qui explique pourquoi je consultais le site sur mon téléphone où le contenu suivant m'a interpellé. J'ai fait une capture d'écran de 3 titres et d'une image. J'y ai remarqué la présence de 6 cadres sur l'environnement qui entretiennent des malentendus sur notre situation et empêchent une prise de conscience plus profonde. Description de la capture d'écran. Elle comprend 3 gros titres. Le premier s'intitule « La crise climatique ». Il est illustré par une photo où se trouve une personne sur une plage au bord d'une étendue d'eau. Cette personne est en costume cravate, porte un masque à l'effigie de Donald Trump et brandit des billets et des documents. Juste à côté sur le bord de l'eau se trouve une barque munie d'une voile. La barque et la voile sont en feu et on peut lire sur la voile l'inscription « L'avenir de vos enfants ». Sous la photo, on peut lire « G7 ». Selon une étude, la crise climatique causera une récession économique 2 fois pire que celle du Covid-19. Sur le second gros titre se trouve une image représentant une plage et on peut lire « Hawaï, la loi qui cherche à anéantir les financements protégeant l'environnement du tourisme ». Sur le troisième gros titre, l'image représente un masque sanitaire usagé déposé sur une plage en gros plan et on peut lire « Environnement, nous sommes à court de temps pour parvenir à un accord qui sauverait le monde naturel » selon le ou la présidente du sommet de l'ONU. Voici les cadres que mes élèves et moi-même avons remarqués et qui concernent notre capacité à comprendre notre situation ainsi que les domaines d'action possibles et pertinents. Cadre 1. La crise environnementale concerne l'avenir de nos enfants. Oui, c'est le cas. Mais le message implicite de cette focalisation est que la crise environnementale n'a pas de rapport avec la situation présente, y compris les dommages et perturbations que ressentent les gens actuellement. Ce cadre est communiqué dans la photo choisie par un éditeur ou une éditrice, la voile enflammée sur laquelle il est écrit « L'avenir de nos enfants ». Cadre 2. Nous avons le temps de, entre guillemets, « réparer » l'environnement. Nous ne sommes donc pas déjà dans une situation de gestion des catastrophes où il y a beaucoup à faire en urgence, mais sans qu'on puisse résoudre la situation, bien que nos actions puissent nous donner plus de chances de réduire les impacts potentiels. L'expression, entre guillemets, « nous sommes à court de temps » implique ce point de vue. Cadre 3. L'environnement nous importe en raison de son impact économique, plutôt qu'en raison de notre survie, de notre sécurité et de notre qualité de vie, ou en raison de la valeur intrinsèque de la nature. Le titre évoquant la menace d'une, entre guillemets, « récession économique » exprime ce point de vue. Cadre 4. Agir sur la crise environnementale consiste à trouver des fonds pour faire le ménage une fois que des problèmes ont été créés par l'activité économique. Ce qui, pour de nombreux secteurs, est tout simplement un mensonge, car les dommages causés par ces activités ne peuvent être compensés. Le titre sur le financement de la protection de l'environnement face aux impacts du tourisme implique ce point de vue. Cadre 5. Les sujets d'environnement concernent le monde naturel, qui est considéré comme séparé de nous. Oui, il s'agit du monde naturel, mais nous faisons également partie de ce monde. Si le monde naturel n'est pas, entre guillemets, sauvé, l'humanité ne le sera pas non plus. La phrase « sauver le monde naturel » indique clairement cette séparation. Cadre 6. L'enjeu véritable est celui de l'action de nos dirigeants et dirigeantes qui tentent de parvenir à un accord pour réparer quelque chose, et non pas celui de notre propre libération, hors des systèmes monétaires, économiques et culturels qu'il et elle dirigent, et qui nous forcent et nous incitent à contribuer à la destruction de l'environnement, et nous récompensent en conséquence, par le consumérisme, les prêts immobiliers, le conformisme carriériste, et autres facettes que nous verrons au chapitre 10. Le titre qui fait état de la difficulté de « parvenir à un accord qui sauverait l'environnement » traduit ce cadrage. Je ne suggère aucune intention consciente d'imposer ces cadres en rapport à ces différents enjeux. Au contraire, lorsque nous communiquons les uns les unes avec les autres, nous puisons dans les ressources culturelles dont nous disposons. L'un des cadres les plus profondément enracinés de la modernité est l'idée que l'humanité est séparée de l'environnement. Quelle est plus importante que ce dernier et quelle est destinée à le contrôler? Il existe des antécédents religieux à ces présupposés courants. Selon un examen plus approfondi, il s'agirait d'interprétations erronées d'enseignements spirituels de la part des Européens, qui convenait à leurs impulsions coloniales émergentes au cours du XVIe siècle. Prenons par exemple le passage de la Genèse 1:28. En hébreu, ce passage s'écrit comme suit. « Feru wa rebu wa milau eha aretz wa chibeshua wa redub » ce qui est généralement traduit dans la Bible anglaise de King James par, je cite, « Soyez féconds et multipliez, et remplissez la terre de nouveau, et assujettissez-la, et ayez domination sur les poissons de la mer et sur les volatiles dans l'air. » Fin de citation. version originale, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and the fowl of the air. La traduction française utilisée ici est issue du travail de Nadine Stratford, qui a produit une version francophone de la Bible King James disponible sur www.kingjamesfrançaise.net. À noter que les versions de ce passage sont sensiblement similaires dans les textes francophones de référence. Par exemple, la Bible Second, particulièrement utilisée par les protestants et chrétiens évangéliques depuis sa première parution en 1880, propose « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ou bien « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Fin de citation. Issue de Bible Second 21, publiée à partir de 2007. Quant à la Bible, traduction officielle liturgique, l'actuelle traduction française officielle de la Bible pour la liturgie catholique publiée en 2013, on y lit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Enfin, selon la traduction œcuménique de la Bible publiée depuis 1975 et dernièrement révisée en 2010, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Fin de citation. Neil Douglas Clotes, théologien et spécialiste des langues anciennes, explique que, je cite, « il s'agit d'une tragique erreur de traduction, influencée par une théologie post-augustinienne de la rédemption. Les auteurs originaux de l'histoire n'auraient jamais pu concevoir qu'elle se produirait. » Fin de citation. Il explique que le mot hébreu « b » ne signifie jamais « sur »« over », mais seulement « avec » with, à l'intérieur, within, ou à, avec un accent, at. Quant au mot hébreu chi beshuha, il peut signifier racheter, redeem, ou sauver, save, plutôt qu'assujettir. Par conséquent, ce passage voulait très probablement dire racheter et régner avec le reste de la création. Douglas Clotes affirme que, je cite, « malheureusement, ce passage a été utilisé pour justifier des siècles de vol colonial de terres habitées par des peuples autochtones dans le monde entier. » Fin de citation. En outre, il a jeté les bases de l'idéologie du progrès, selon laquelle l'humanité ne cesse d'améliorer ses connaissances et ses compétences d'une manière qui est intrinsèquement bonne, ce que nous étudierons plus en détail dans le chapitre suivant. De nombreux facteurs, au-delà des évolutions problématiques de la théologie chrétienne, ont contribué au développement de l'anthropocentrisme, de la vision de la nature comme simple ressource, et de l'idéologie du progrès. Par exemple, au chapitre 10, nous verrons comment les systèmes monétaires ont effectivement exigé que de telles attitudes soient adoptées afin d'assurer la survie de la dette. Cependant, cet exemple tiré de la Bible nous rappelle à quel point ces récits sont ancrés dans de nombreuses sociétés. Parce qu'ils constituent nos normes culturelles communes, il est vraiment difficile de se détacher de ces récits dans notre vie professionnelle et personnelle. Pouvez-vous imaginer un rédacteur ou une rédactrice chargée de rédiger les gros titres du Guardian, essayant d'expliquer qu'il ou elle adopte une approche différente des idéologies incarnées dans les titres de ces mêmes articles que nous venons d'examiner. Il serait difficile pour cette personne de respecter les délais de publication et de rester sain, saine d'esprit, car toutes les décisions relatives à la définition de l'actualité, au point de vue qui compte, et à la manière de rédiger les articles, sans parler des titres, sont influencées par la culture dominante. Quelqu'un responsable de ce poste et qui disposerait d'une certaine sagesse critique devrait trouver un compromis momentanément viable ou démissionner. C'est à partir de ce niveau de difficulté personnelle que l'on peut comprendre comment ces récits profonds ont traversé les siècles. Le Guardian est l'un des rares journaux à accorder de l'espace aux articles entre guillemets sur l'environnement. Cela souligne le problème auquel nous sommes confrontés, à savoir que l'humanité investit beaucoup de ressources pour éviter de se confronter réellement au problème. Les titres du Guardian ne sont qu'un exemple de la reproduction constante d'une idéologie réformiste et moderniste sur les sujets d'environnement, ce qui explique en partie l'inefficacité empiriquement démontrable du mouvement écologiste et des professions du domaine de l'environnement, comme nous l'avons vu dans les chapitres 4 et 5. Cette idéologie éco-moderne est bâtie sur les présuppositions et l'apologie de la domination humaine, de la séparation entre humanité et nature, de la possibilité et des avantages de contrôler cette dernière et de l'inévitabilité du progrès. Elle part du principe que tout ce qui menace notre mode de vie ou notre vision du monde doit être ignoré, contrôlé ou détruit. Ainsi, les éco-modernistes concentrent leurs efforts sur des appels à des institutions puissantes, censées mieux gérer des situations qui permettront à ces mêmes institutions de se perpétuer. Cependant, avec un peu de sagesse critique, nous pouvons mieux reconnaître que ces choix sont de nature idéologique, et donc envisager d'autres réponses. Cela dit, un recadrage plus poussé serait utile pour libérer notre créativité. Considérons cette question d'un peu plus près. Recadrer les concepts qui pourraient limiter notre action à une époque d'effondrement. Il y a dans notre société des récits profondément ancrés à propos de l'espoir, de l'effondrement et du changement qui limitent l'engagement positif des gens face à la situation insoluble que j'ai décrite jusqu'à présent dans ce livre. Examinons brièvement chacun de ces récits. L'affirmation selon laquelle il faut avoir de l'espoir est largement répandue dans les sociétés modernes et généralement considérée comme positive. C'est un point de vue qui est absent de nombreuses anciennes traditions de sagesse, telles que le bouddhisme, qui considère l'espoir comme un schéma de pensée qui nous éloigne de la réalité sensible. Mais que veut-on dire lorsqu'on parle de la nécessité d'espérer ? S'agit-il d'un souhait, d'une attente ? Ou d'une possibilité qu'on s'efforce d'atteindre. Pour comprendre les différences, prenons l'exemple de révision en vue d'un examen, à l'issue duquel vous espérez obtenir la meilleure note. Cela signifie-t-il que vous souhaitez obtenir cette note? Si l'examen compte à vos yeux, souhaiter un résultat ne semble pas être la meilleure façon de procéder, car ce n'est ni très actif ni très pratique. Au lieu de cela, vous attendez-vous à obtenir la meilleure note? Si c'est le cas, cette attente peut ou non vous aider à obtenir cette note. Vos attentes dépendent de votre opinion sur vos performances passées et des efforts que vous consacrez à vos révisions et à votre entraînement en vue des examens. Elles peuvent donc être justes ou illusoires. Le fait que cette attente vous aide ou non à obtenir une bonne note dépend d'autres considérations, comme le fait de savoir si vous êtes le genre de personne qui a besoin d'une telle prévision pour se sentir motivé, ou si elle peut même réduire votre engagement à travailler pour atteindre ce résultat. Selon une troisième perspective, on peut voir l'espoir comme la croyance en une possibilité vers laquelle on peut tendre. S'inspirant des travaux de Joanna Macy, certaines appellent cela l'espoir actif, active hope. Si vous pensez que la meilleure note est à votre portée si vous travaillez pour l'obtenir, cela peut vous aider à vous motiver. Cependant, vous n'êtes peut-être pas le genre de personne qui a besoin de se concentrer sur la possibilité d'obtenir cette note pour donner le meilleur de vous-même. Il est peut-être plus motivant d'éviter l'échec. Ou peut-être que vous préférez vous concentrer sur l'idée de faire de votre mieux, quel que soit le résultat. Vos efforts peuvent découler d'un sentiment de devoir à l'égard des efforts de vos parents ou de respect pour les dons et les opportunités qui vous ont été offerts. Lorsqu'on interroge la notion d'espoir et qu'on réfléchit aux raisons pour lesquelles garder l'espoir est une attitude si valorisée dans les sociétés modernes, on peut distinguer de multiples motivations pour nos actions qui ne nécessitent pas de récits de domination et de progrès humain. Voilà qui est utile, car il est trop tard pour que l'humanité obtienne une bonne note en matière d'environnement. Il est peut-être même trop tard pour avoir la moyenne. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, ce qui compte, c'est d'essayer de faire de notre mieux, sans pour autant gâcher notre vie. Nous n'abandonnerons pas sous prétexte que nous n'aurons pas la meilleure note, ni même une note suffisante pour réussir à l'examen. Nous continuerons à essayer parce que cela nous semble juste. Sans une perspective critique sur l'espoir, nous serions coincés dans une éthique utilitariste, selon laquelle nous sommes censés faire quelque chose uniquement parce que nous obtiendrons un certain résultat. Ces motivations de nature transactionnelle ont été érigées en normes par les systèmes de pouvoir, y compris le capitalisme. Néanmoins, elles ne reflètent pas toute l'étendue des motivations humaines à laquelle une lecture critique des récits d'espoir peut nous ramener. Sur le sujet de l'espoir, il y a encore une toute autre chose à laquelle on peut se référer, à savoir une sorte de foi dans la justesse ultime de toutes les choses, quoi qu'il arrive. En ce qui me concerne, j'ai ce genre de foi. C'est une foi qui est également encouragée par de nombreuses religions et qui nous encourage à vivre avec amour, sans nous attacher aux résultats de nos actes. Ce type d'espoir religieux n'implique pas un souhait, une attente ou une possibilité réaliste, mais une connaissance plus profondément ancrée de la nature de la réalité et donc un instinct de vivre avec amour. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de s'appuyer sur des récits de réussite matérielle pour les humains ou le reste de la vie sur Terre. Nous pouvons également faire preuve de sagesse critique à l'égard du concept d'effondrement. Il faut d'abord reconnaître que la façon dont on parle de l'effondrement sociétal, tant dans les milieux universitaires que dans la culture populaire, reflète un ensemble de présupposés culturels contemporains. Cela peut en effet susciter des craintes et fermer le champ des possibles. Ces présupposés nous empêchent d'examiner de manière plus ouverte et plus constructive ce que nous pourrions faire à une époque d'effondrement. L'une des idées dominantes est que sans les systèmes et les règles des sociétés modernes, nous sombrerons dans la violence et la tyrannie. Ce point de vue s'inscrit dans une perspective de la nature humaine selon laquelle nous avons besoin de la menace de la force pour rester, entre guillemets, civilisés. Cependant, les situations de catastrophe montrent que les humains ne deviennent pas tous des êtres insensibles et violents, ou en tout cas, que celles et ceux adoptant une telle approche ne s'en sortent pas mieux. Au contraire, les personnes ont tendance à prendre soin les unes des autres et à collaborer. L'étude de l'effondrement des civilisations passées donne également lieu à des débats sur la question de savoir si l'effondrement des hiérarchies existantes a été un événement si néfaste pour tout le monde. Selon le récit dominant, la perte des hiérarchies sociales et des artefacts culturels associés est un événement tragique. Cependant, le fait d'apprécier la complexité sociale des milieux urbains produisant les bâtiments en ruine et les artefacts qui deviendront les lieux de fouilles archéologiques, mais pas la complexité sociale de la vie en zone rurale, qui nécessite souvent une connaissance beaucoup plus approfondie de l'écologie, du temps et des saisons, est un jugement de valeur qui reflète le mode de vie moderne. Selon certains chercheurs et certaines chercheuses, bon nombre des célèbres histoires d'effondrement de sociétés antiques ont en fait été l'occasion, pour une population donnée, de renverser une tyrannie oppressante et de retourner à la vie en communauté plus petite et plus égalitaire. L'effondrement de l'Empire romain d'Occident en est un exemple classique. Il a donné lieu à une plus grande égalité, les populations ayant réorganisé l'agriculture de manière à disposer de nombreux types d'aliments et de stratégies de subsistance différentes, au lieu de se contenter de cultiver du blé pour les Romains. Une lecture critique des études et des débats les plus en vue sur les effondrements sociétaux permettra aussi de poser la question suivante. Prête-t-on vraiment attention aux effondrements sociétaux des 500 dernières années qui ont constitué des aspects destructeurs du développement des sociétés modernes et permis les différentiels de pouvoir mondiaux qu'on connaît aujourd'hui. Le génocide des Amériques en est un exemple particulièrement frappant. C'est d'autant plus vrai que de nombreuses personnes en vie aujourd'hui sont les descendants et descendantes des peuples concernés et sont les témoins des difficultés qu'ils et elles rencontrent de nos jours dans leur résistance face à des entreprises destructrices. De leur point de vue, l'effondrement progressif des sociétés de consommation industrielle pourrait même réduire la pression qui pèse sur certaines de leurs terres, tout particulièrement si cet effondrement venait à compromettre les processus d'acquisition destructrice de métaux visant à bâtir des infrastructures d'énergie renouvelable dans les pays riches. Les systèmes de pouvoir auxquels il était impossible de résister efficacement sont maintenant en train de se fracturer. Il s'agit là d'un message sombrement positif et d'un nouveau cadre utile à des personnes comme la jeune femme que j'ai rencontrée à l'ONU, chapitre 7. Cela ne veut pas dire qu'on échappera à de nombreuses souffrances, et bien des problèmes ne se trouveront pas résolus juste parce que les sociétés modernes ont échoué. Les produits chimiques éternels resteront présents et se concentreront toujours plus dans la chaîne alimentaire. Le climat continuera de changer et les océans continueront de s'acidifier. Les élites continueront d'exercer leur influence et elles trouveront de nombreuses occasions de réagir de manière néfaste, aggravant ainsi les choses. Chapitre 13. Mais vis-à-vis de l'effondrement, la sagesse critique nous informe d'une chose. Le fait de supposer qu'il ne peut être que mauvais et qu'il ne vaut donc pas la peine d'y réfléchir sert le statu quo. Selon une certaine perspective, pour qu'une population humaine puisse être considérée comme une société ancienne qui ne s'est pas encore effondrée, il nous faut des preuves qu'elle est organisée de manière hiérarchique. Cette idée semble refléter une opinion courante de nos jours vis-à-vis des organisations et du leadership. Dans les deux cas, cette attitude présuppose que les groupes de personnes ordinaires ont besoin d'être gérés par des humains spéciaux placés dans des rôles d'autorité pour notre bien. En sociologie, on se réfère à une telle approche sous le terme de managérialisme. Elle s'avère omniprésente dans les sociétés modernes, qu'il s'agisse du monde des affaires, de la politique, des communautés locales ou d'autres domaines. Son influence est telle que lorsqu'on discute d'une organisation ou d'une société qui va mal et de la manière de la changer, l'attention se porte naturellement sur quelque individu décrit comme les leaders. En appliquant notre culture critique à cette situation, nous n'accepterons pas que de telles idées soient présentées comme une réalité indiscutable concernant les personnes, les dynamiques de groupe et le changement en général. Nous les considérerons plutôt comme un discours sur ces phénomènes, qui, comme tout discours, nous invite à considérer la réalité de certaines manières et pas d'autres. Par exemple, une approche managériale nous rend moins susceptibles de prendre en considération des facteurs d'influence autres que les capacités, le caractère et les actions des hauts et hautes responsables. Une autre approche prendrait en compte les libertés et les capacités des gens ordinaires ou nos manières de communiquer. Le managérialisme nous encourage aussi à croire que les leaders sont des personnes spéciales qui devraient être traitées différemment, y compris au niveau de leur salaire. Lorsqu'il n'est pas remis en question, ce discours peut favoriser un exercice du pouvoir irresponsable et notamment des arrangements plus autoritaires ou la domination élitiste au sein de la société. Et à mesure que chacune de nous rencontrera de plus en plus de difficultés dans sa vie, sans sagesse critique, nous serons susceptibles d'exprimer des points de vue sur ce qu'il convient de faire qui découleront du discours managérial, ce que nous examinons plus en détail au chapitre 13. La colère de la modernité. L'un des principaux effets de la prise de conscience de la situation inextricable des sociétés modernes et que de plus en plus de personnes venant d'une culture occidentale, tout comme moi, commencent à comprendre que cette culture dominante que nous avons autrefois acceptée ou admirée est en vérité omnicidaire. En effet, elle est en train de causer une extinction de masse de la vie sur Terre et menace la survie de notre propre espèce. Certains, certaines, voudront peut-être y voir un problème simplement lié à l'industrie pétrolière ou à des élites gaspilleuses de ressources. Mais un examen plus approfondi nous conduit au-delà des idées que l'on nous a inculquées sur le soi, les autres, la nature, la réalité et le progrès. Cette prise de conscience signifie que la plupart d'entre nous commencent à tout remettre en question. Du fait de cette désintégration positive de nos anciennes identités et visions du monde, beaucoup d'entre nous expriment le désir de rechercher et d'exprimer les vérités qui nous sont chères et de vivre dans l'amour avec beaucoup moins de compromis ou de peur de la honte qu'auparavant. Chapitre 12. Ces réponses signifient également que les personnes qui acceptent l'effondrement peuvent constituer une menace pour l'ordre établi de la société, une force contre-hégémonique. C'est la raison pour laquelle nous faisons des remous, surtout parmi les personnes qui veulent rester volontairement aveugles. Selon les psychologues, celles et ceux qui nient la réalité de cette manière cherchent à se sentir en sécurité, éviter les conflits, réduire leur anxiété et sauvegarder leur propre prestige. Dans le chapitre précédent, j'ai brièvement évoqué les nombreux facteurs susceptibles d'empêcher les chercheurs, chercheuses et les experts, expertes d'exprimer publiquement leur anticipation d'un effondrement de la société. Il s'agit notamment du réductionnisme et du cloisonnement de la recherche qui limitent l'analyse systémique, de l'idéologie du progrès et du biais de normalité qui change la perception qu'on a de là où repose la charge de la preuve, des pressions financières et politiques qui incitent à la défense, de l'influence apaisante des privilèges, de la menace que ces sujets font peser sur notre identité professionnelle, et du souhait d'éviter toute émotion difficile. Les deux derniers facteurs peuvent entraîner des réactions assez agressives. En effet, à mesure qu'empirent les données scientifiques et l'actualité de notre monde, nos craintes vis-à-vis de notre mortalité peuvent se trouver déclenchées, même inconsciemment, et de là peut surgir un phénomène de défense de la vision du monde, comme je l'ai décrit dans l'introduction. Ce terme se réfère au fait de s'accrocher à sa vision du monde et à son identité, à tel point que cette réaction devient extrême, illogique et souvent dommageable. Si les psychologues ont décrit dans ce cadre la montée des extrémismes religieux, ce phénomène de défense de la vision du monde s'applique également aux personnes qui se considèrent comme modernes. Il peut aider à expliquer la foi en un salut technologique quasi-providentiel par les écomodernistes. En effet, ils et elles ont beau toujours utiliser le langage de la science et de la modernité, la substance de leurs opinions est d'une toute autre nature. Le phénomène peut également nous aider à comprendre leur négativité à l'égard des personnes qui anticipent ou reconnaissent l'effondrement des sociétés modernes, et qui devient plus clair avec une lecture critique du terme sous lequel ces personnes nous désignent, celui de catastrophiste, doomer. Notre culture critique nous incite immédiatement à nous demander ce qui est regroupé sous un tel terme et pourquoi. Est-ce la fin des élites? La fin du capitalisme? La fin de la mondialisation? La fin de la société industrielle? La mort de notre espèce tout entière? Les critiques sont rarement explicites à ce sujet. Au lieu de cela, les termes « doomism » et « doomer » sont utilisés pour délégitimer toute conversation sur ces questions. Le terme « doomer » suggère qu'une personne est affectée d'un biais négatif. Les autres sont donc subtilement invités à ignorer et à rejeter son point de vue. C'est ainsi que le cadrage peut devenir particulièrement sinistre. Les psychologues moraux, morales, ont montré que lorsque nous éprouvons du dégoût pour une personne ou une idée, nous n'écoutons rien de ce qu'elle dit, quelle que soit la valeur ou l'utilité de ses propos. Nos « goûts moraux » nous font éprouver du dégoût de différentes façons à l'égard de personnes ou d'idées. Ayant moi-même bataillé dans les tranchées de la communication politique, je sais comment ces goûts moraux ont été analysés et comment on les mobilise pour contrer les arguments de ses adversaires. D'abord, il s'agit d'accoler un terme négatif à un type de pensée ou de personne, puis d'attribuer à cette catégorie certaines qualités susceptibles de susciter le dégoût. Par exemple, sitôt le catastrophisme, doomism, établi en tant que concept, tout ce qui sera étiqueté de la sorte se verra critiqué de diverses façons. On dira que c'est nuisible pour la santé mentale des enfants, que c'est un abandon des pauvres ou une trahison des activistes. En effet, une fois qu'un cadre négatif est établi, on peut inventer des arguments à l'infini, sans se soucier de leur donner le moindre fondement. Une réponse aux injures négatives peut être de s'approprier ces termes et de les célébrer, de la même manière que les mots « gay » et « queer », autrefois injurieux, ont été transformés. C'est pourquoi j'ai envisagé d'imprimer des t-shirts portant les mots « Les catastrophistes savent profiter de la vie ». Doomers have more fun. Mais le problème, lorsqu'on tente d'inverser les discours sur le dégoût, est que cela nécessite beaucoup de temps, de ressources et de personnes. Je ne m'attends pas à ce qu'on assiste à la naissance d'un mouvement culturel de masse qui célébrerait le catastrophisme en tant qu'identité. Au contraire, je m'attends à ce qu'augmente l'agression et l'opprobre, dont nous examinerons les implications au chapitre 13. Face à ce défi, nos capacités en matière de sagesse critique seront des facteurs clés de résistance. C'est pourquoi il est important de défendre ces capacités dans un contexte récent de condamnation et d'étouffement appuyé par de fausses informations. La théorie critique n'est pas woke. Lorsque j'ai présenté le concept de culture critique plus tôt dans ce chapitre, j'ai expliqué qu'une perspective constructionniste sociale ne rejette pas l'idée qu'il existe une réalité en dehors de notre perception et de notre conceptualisation de cette réalité, bien que ces dernières soient influencées par la société. Cette perspective ne nie pas qu'un fer à repasser est chaud et peut nous brûler, ou qu'un animal a un sexe biologique. Elle nous invite plutôt à considérer comment les cadres, les récits et les discours dans la société façonnent la manière dont nous cherchons à identifier ou à ignorer certains phénomènes, comment nous relions ces phénomènes à d'autres phénomènes et comment nous y réagissons émotionnellement et physiologiquement, ainsi qu'aux liens que nous établissons entre ces phénomènes d'une manière qui reproduit certains schémas sociaux. Par conséquent, si nous sommes en quête de liberté personnelle et collective, nous devons chercher à mieux connaître les processus qui façonnent notre façon de penser et de sentir. De toute évidence, les entreprises sont les principales créatrices de récits dans les sociétés contemporaines, par le biais des médias, nouveaux et traditionnels, de la publicité et des relations publiques, mais aussi parce qu'elles financent les politiciens-politiciennes et emploient un grand nombre d'entre nous. Si vous en doutez encore, il vous suffit de vous demander d'où vient la tradition des bagues de fiançailles en diamants, puis de vous pencher sur l'histoire du marketing des diamants De Beers. Et pour la tradition du Père Noël portant des vêtements rouges, l'explication est à trouver du côté des publicités de Coca-Cola. Une fois que l'on a pris conscience du pouvoir omniprésent des entreprises, il n'est pas surprenant de constater qu'elles servent les intérêts du capital. Il est donc tout naturel de s'interroger sur la manière dont le capitalisme produit la culture dans laquelle nous vivons et sur la manière dont cela affecte nos libertés, ce que nous examinerons plus en détail au chapitre 10. Comparé à d'autres types de chercheurs-chercheuses comme les économistes ou les informaticiens-informaticiennes, les sociologues contemporains et contemporaines semblent avoir eu très peu d'influence sur la société. Le plus souvent, nous sommes simplement spectateurs et spectatrices de ce qui se passe. Même notre intérêt tout particulier pour l'analyse de l'idéologie a été porté à l'attention du grand public par des chercheurs-chercheuses venus d'autres disciplines, par exemple l'anthropologue Yuval Noah Harari ou le linguiste cognitif George Lakoff. Par conséquent, les idées critiques sur la société, en particulier concernant le pouvoir du capital dans la formation de la culture et de la politique, sont demeurées relativement marginales au sein de la culture dominante. Cependant, avec la montée de la woke culture, notamment dans les pays anglophones occidentaux, et la réaction à cette culture, la sociologie est soudainement devenue un sujet de controverse et de contestation politique. Le terme « woke » est un terme d'argot dont la signification est largement contestée. Je considère qu'il représente une manière particulière de traiter les inextricables différences de pouvoir liées à l'identité de chaque personne dans la société. Selon cette approche, il est impératif que les personnes dont l'identité est perçue comme privilégiée prennent conscience de leurs préjugés inconscients. En effet, la théorie woke du changement social veut qu'une plus grande prise de conscience des préjugés inconscients entraîne une myriade de changements dans les relations interpersonnelles qui finiront par corriger les inégalités systémiques. Dans les médias grand public, cette approche a été associée à un ensemble d'idées appelées théorie critique de la race, qui à son tour s'est trouvée vaguement reliée à la théorie critique en général. L'une des principales références citées par les experts et expertes qui pontifient sur ces questions dans les médias traditionnels et alternatifs est le livre « Cynical Theories ». Les auteurs autrices de cet ouvrage identifient deux principes qui, selon elles et eux, traversent l'ensemble de la pensée postmoderne et, sous-entendu, la théorie sociale critique tout entière. Ils et elles décrivent un, je cite, « principe de connaissance postmoderne », défini comme un scepticisme radical quant à notre capacité à connaître des vérités objectives et un principe politique postmoderne, c'est-à-dire la conviction que, je cite, « la société est formée de systèmes de pouvoir et de hiérarchie qui décident de ce qui peut être connu et de la manière dont on peut connaître ». Fin de citation. Si cette description correspond à certaines théories postmodernes, elle ne présente pas une image exacte de la théorie critique dans son ensemble. Comme je l'ai mentionné précédemment, la théorie critique est fondée sur la conviction qu'une acceptation inconditionnelle de toute description de la réalité nous prive de liberté, et non pas qu'il n'y a pas de réalité sous-jacente ou que certaines de nos descriptions ne peuvent pas être plus proches de la réalité que d'autres. Les théoriciens-théoriciennes critiques partagent la conviction que les descriptions dominantes de la réalité découlent des relations de pouvoir que ces descriptions contribuent également à maintenir. C'est pourquoi nous avons exploré combien il peut être utile pour les individus et les groupes d'explorer ces relations à l'aide de diverses théories sur les schémas de pouvoir, tels que le patriarcat, la modernité et le capitalisme. Cela ne signifie pas que les relations de pouvoir sont le seul moyen de juger de la validité d'une affirmation. La culture critique est plutôt une composante qui doit faire partie d'une éducation complète et d'une approche sensée de la compréhension de la société. C'est pourquoi je l'inclus aux côtés de la rationalité, de la pleine conscience et de l'intuition comme structurant la capacité de sagesse critique. Portée à l'extrême, n'importe laquelle de ces composantes, isolée des autres, conduirait à des points de vue et des décisions ridicules. Une autre critique qui pourrait sembler pertinente pour les idées que j'avance et la théorie de l'effondrement actuel est que la théorie critique serait en quelque sorte anti-occidentale ou anti-européenne. Cependant, la culture critique peut nous permettre de déconstruire les normes culturelles au service du pouvoir en Chine et en Arabie Saoudite, par exemple, tout autant qu'au Canada ou en Australie. Cette accusation d'un présupposé anti-occidental pourrait donc indiquer une réaction de défense de la vision du monde de la part de certains experts et certaines expertes qui perçoivent certains aspects de l'effondrement des sociétés modernes dont il est question dans ce livre. C'est regrettable, car la culture critique pourrait aider les partisans et partisanes, comme les détracteurs et détractrices de la culture woke, à transcender leurs débats actuels pour aboutir à quelque chose de plus utile pour un changement social positif. En effet, nous vivons à une époque où il n'est pas possible de revenir à une solidité antérieure du ciment culturel, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. L'un des domaines où davantage de culture critique pourrait offrir un éclairage bienvenu serait celui des controverses entourant certaines approches récentes de la lutte contre le racisme, telles qu'on les a mises en œuvre dans différentes organisations occidentales. Selon l'un des cadres utilisés par ces approches, on ne peut identifier la présence de racisme chez une personne que si celle-ci a en même temps des préjugés et du pouvoir. Ce cadre est utilisé par certaines personnes pour affirmer que si votre catégorie d'identité est opprimée sur le plan racial, vous ne pouvez pas être raciste parce que votre pouvoir est insignifiant. La culture critique justifie une remise en question de telles approches binaires sur le pouvoir et l'identité afin d'examiner si elles facilitent ou font obstacle à notre compréhension de l'oppression et à notre libération mutuelle. Tout d'abord, un clivage a été établi entre une identité qui a du pouvoir et une identité qui n'en a pas. Puis, entre le pouvoir et l'absence de pouvoir. Cependant, on constate plutôt l'existence de continuums d'identité, ainsi que de types et de niveaux de pouvoir. Une lecture critique permet donc de se demander quels intérêts servent ces visions binaires et avec quels effets. Elle permet aussi de se demander comment ces catégories pourraient être comprises autrement. Grâce à elles, on peut s'interroger sur les intérêts économiques, qu'ils soient micro-personnels ou macro-sociétaux, qui sont servis par la promotion de telles binarités et les récits et comportements qui en découlent. Poser ces questions permettrait de replacer certaines expériences issues d'initiatives de lutte contre le racisme dans un contexte plus large. Par exemple, dans certaines organisations dont j'ai fait partie, des personnes se réclamant d'une identité non blanche pensaient ne pas avoir besoin de réfléchir à leurs propres préjugés et à la manière dont ces préjugés pouvaient constituer un obstacle au traitement de leur traumatisme comme à leur contribution au changement de société. Malheureusement, cet exceptionnalisme racial pourrait permettre à des comportements contraires à l'éthique et peu professionnels de ne pas être contestés comme ils le devraient. Une perspective critique demanderait également dans quelle mesure certaines personnes peuvent réifier des aspects de leur identité raciale pour la promotion de leurs intérêts personnels. En d'autres termes, il est compréhensible que les gens cherchent à obtenir une certaine attention, de l'influence et des sources de revenus, et les considérations de justice sociale peuvent masquer cet aspect de leur intention, conduisant donc à un manque de dialogue raisonné et à un défaut de responsabilité. Cette marchandisation de l'identité se traduit notamment par la revendication d'un statut spécial en raison d'un traumatisme associé à une identité particulière. L'existence d'une industrie de consultants et consultantes ayant un intérêt direct à promouvoir les approches woke et d'entreprises qui cherchent à en tirer un avantage commercial devrait également soulever des questions pour les personnes dotées d'une culture critique. Le fait que certaines intellectuelles woke aient acquis une certaine influence dans les sociétés occidentales pourrait indiquer que leurs idées peuvent s'intégrer au sein du capitalisme et même aider à le défendre. Et la séduction qu'exercent leurs idées sur certaines membres de la classe moyenne éduquée pourrait alors inviter à une analyse plus approfondie des tendances sociétales liées au capitalisme. Par exemple, pour obtenir et garantir leurs moyens de subsistance et leur mode de vie, ces personnes de classe moyenne éduquée comptent sur l'individualisme et le consumérisme qu'on leur a inculqué, plutôt que sur la lutte des classes. Il est largement admis que les projets politiques de centre-gauche et de gauche se sont donc éloignés de la solidarité autour d'intérêts mutuels pour s'orienter vers l'expression de questions identitaires. En d'autres termes, on consomme des opinions politiques comme on consomme des goûts musicaux. Depuis au moins 2016, ces classes moyennes occidentales connaissent un déclin systématique de leur qualité de vie et de leurs attentes vis-à-vis du futur, comme nous l'avons vu au chapitre 1. Cela remet en question l'idée qu'elles se font d'elles-mêmes, notamment l'opinion d'être des personnes respectables, en faveur d'un changement positif. Vivre en solidarité avec autrui sur la base de différences raciales est quelque chose qui peut être ajouté à l'expression de soi et à un sens de positionnement moral. On peut afficher des idées socialement progressistes sur les médias sociaux et cela ne coûte rien. Cependant, il est plus compliqué de s'impliquer activement pour l'égalité économique, ce qui implique une collaboration et une solidarité avec les classes laborieuses pour défier le pouvoir. Lorsqu'elle travaille sur la solidarité raciale, une personne blanche de classe moyenne n'est pas censée changer son identité raciale, parce qu'elle ne le peut pas. Cependant, si elle travaille sur la solidarité économique, pourquoi une telle personne ne partagerait-elle pas son excédent de richesse avec une personne de statut économique inférieur ? C'est une question évidente, qui se pose dans tout mouvement de solidarité avec les travailleurs et travailleuses. Par conséquent, nous pourrions considérer la montée des politiques identitaires parmi les classes moyennes de gauche comme relevant de leur abandon d'une solidarité plus substantielle. On pourrait considérer qu'avec la culture woke, le capitalisme offre aux classes moyennes des possibilités d'atténuer momentanément leur anxiété face à la baisse de leur niveau de vie, à leurs opportunités perdues et à leur crise de sens, en s'intéressant à des questions autres que l'égalité économique et la nécessité d'un processus lent et difficile de solidarité à grande échelle contre les capitalistes. Une analyse théorique critique plus poussée pourrait examiner si les approches antiracistes woke perturbent les mouvements défiant le capitalisme, tels que les mouvements radicaux dans les domaines de l'environnement, des droits des personnes et de l'antimilitarisme. En effet, l'efficacité de tels mouvements pourrait se trouver amoindrie, par exemple si les approches woke préoccupent certaines personnes blanches en raison de leur désir d'être le plus « éthique » possible et d'être perçues comme telles, sans rien perdre de leurs privilèges et de leur pouvoir, tout en paralysant d'autres personnes blanches de ces mêmes mouvements par peur de la honte et du fait de conflits et de divisions internes. Ce n'est qu'avec une certaine sagesse critique que l'on pourra proposer une critique globale des approches antiracistes woke. Ces dernières ont transformé nos désirs de justice sociale en une compétence que des personnes considérées comme blanches apprennent au travail, dont vivent des consultants-consultantes, dont se saisissent des managers pour menacer des travailleurs-travailleuses, que des marques utilisent pour promouvoir leurs produits et que des infiltrés mettent à profit pour paralyser les mouvements qui contestent le pouvoir des entreprises. Tout ceci alors que très peu de personnes racisées voient leur vie s'améliorer grâce à ce processus, en particulier les personnes économiquement marginalisées. Mais la sagesse critique est aussi indispensable pour prêter attention à ces points tout en continuant à rechercher notre libération mutuelle des oppressions qui opèrent sur nous par le biais de la langue et de la culture. Sans cela, nous pourrions nous rabattre entièrement sur les approches libérales vis-à-vis des injustices sociales qui ont fait si peu pour changer l'expérience économique des personnes dont les identités sont associées à un handicap économique. Une perspective critique encouragerait les personnes woke à explorer les moyens d'éviter les divisions qui servent le statu quo et à construire une solidarité défiant le pouvoir des entreprises pour le bien des personnes de toute identité. Je m'appuie sur la culture critique pour remettre en question, de manière constructive, les cadres structurant les initiatives de lutte contre le racisme. Cela démontre, je l'espère, que si ces approches sont problématiques, elles ne représentent pas la théorie sociale critique dans son entièreté. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Si la culture critique était plus présente, ces approches ne seraient peut-être pas répandues aussi largement et de manière si peu nuancée et incontesté. Commencer son propre chemin vers l'action judicieuse. Dans cette discussion sur la sagesse critique, je me suis concentrée sur la composante de la culture critique parce qu'elle est essentielle, bien qu'absente, de plus en plus mal représentée et attaquée de toutes parts. Je n'ai pas beaucoup parlé de la rationalité, qui reste populaire, ni de la pleine conscience, qui a de plus en plus de succès. J'aurais pu en dire beaucoup plus sur l'intuition, car c'est une dimension que la modernité impériale a marginalisée pendant des siècles, ce qu'elle continue de faire aujourd'hui. L'intuition peut être définie comme un traitement complexe inconscient de possibilités connues de stimuli, ou comme le traitement inconscient d'autres formes d'informations que nous ne reconnaissons pas encore dans le discours scientifique moderne. De nombreuses personnes me disent aujourd'hui qu'elles ont l'intuition de l'effondrement de la société. La question de savoir s'il s'agit d'une véritable intuition plutôt que d'un calcul rationnel ou d'un récit culturel dérivé est un autre sujet de discussion. Mais l'analyse présentée dans les chapitres précédents justifie cette intuition par des moyens culturellement plus acceptables dans les sociétés modernes. L'espoir que je nourris est qu'une plus grande compétence en matière de culture critique nous permette de déconstruire plus efficacement les idées et les arguments dont nous sommes bombardés au travers de l'actualité et des médias sociaux. Nous pouvons instinctivement nous demander si, parce qu'il existe un mot pour désigner quelque chose, cette chose existe réellement, et considérer le travail idéologique permis par l'utilisation de ce mot et ce à quoi on l'associe. La culture critique pourrait même nous aider à distinguer les affirmations scientifiques et les déclarations officielles qui sont le résultat de facteurs économiques et la connaissance qui n'est pas entachée par de tels intérêts. Cela pourrait aider un plus grand nombre d'entre nous à résister aux tentatives de manipulation de la part des institutions dominantes et des élites, alors que nous vivons dans une anxiété de plus en plus forte en cette ère d'effondrement. Cela peut également nous aider à éviter de participer et, espérons-le, à résister aux nouveaux extrémismes qui sont probables en période de confusion culturelle ou de, entre guillemets, crise de sens, y compris les extrémismes qui se font passer pour des réponses rationnelles et laïques aux menaces sociétales. Chapitre 13. Considérés dans leur ensemble, les facteurs qui composent la sagesse critique peuvent également nous aider à explorer de nouveau notre relation avec les autres et la nature en cette période de turbulence. À mesure que nous perdons notre confiance envers les normes sociales et les structures de pouvoir, nous pouvons découvrir de nouvelles façons d'être et de contribuer à l'avenir. Prendre conscience des récits culturels que l'on nous raconte et que nous propageons sans le savoir est un moyen d'établir des relations plus profondes avec les autres plutôt que de ne chercher qu'à transmettre des récits à sens unique, comme dans un dialogue de sourds. C'est du moins ce que mon expérience m'a enseigné. Cela ne signifie pas se réduire soi-même ou mutuellement à de simples véhicules de la culture, mais que nous pouvons devenir mutuellement curieux et curieuses de la manière dont les récits culturels circulent autour de nous et entre nous. Cette capacité offre un moyen supplémentaire de nous comprendre nous-mêmes, de comprendre les autres et de comprendre notre monde. Elle s'avère utile, par ailleurs, dans la mise en œuvre de différents processus relationnels utilisés dans les communautés conscientes de l'effondrement. Authentic Relating, Deep Relating, Circling, etc. Il ne s'agit pas d'imaginer que, grâce à la sagesse critique, l'humanité tout entière se trouvera libérée des manipulations idéologiques exercées par les institutions dominantes et les élites. Tous les secteurs d'activité, y compris l'industrie nucléaire, les fabricants d'armes ou encore Big Tech et Big Pharma, sont contrôlés par de très puissants intérêts particuliers qui financent des agences de relations publiques, des lobbyistes et des hommes et des femmes politiques et influencent aussi le travail des agences de sécurité. Alors que nous prenons toutes et tous conscience de cet air d'effondrement causé par la modernité impériale, je ne me fais aucun faux espoir quant au pouvoir des libres penseurs-penseuses face à plusieurs milliers de cerveaux brillants qui s'efforcent de promouvoir l'illusion, le conformisme et la division entre des personnes qui, autrement, seraient des alliés naturels dans une révolution commune. Je m'attends plutôt à ce que les idées de celles et ceux qui veulent réagir avec compassion et audace à l'effondrement sociétal soient encore plus marginalisées, tandis que les politiques publiques seront façonnées par les intérêts corporatistes des technos autoritaires. Ces derniers et dernières dicteront à un nombre suffisant de personnes ce qu'il faut croire et quand il faut le croire, afin d'obtenir le consentement à leur programme. Ainsi, les débats publics continueront de se faire de moins en moins productifs et les politiques publiques continueront d'être examinées de moins en moins près, ce qui ne fera qu'empirer la situation décrite dans le chapitre précédent. On paiera des professionnels pour nous mentir tandis que nous mourrons prématurément des conséquences directes et indirectes de la destruction de la biosphère. Et, au passage, on rejettera la faute sur des personnes comme vous et moi. Si je partage avec vous l'analyse présentée dans ce chapitre et dans ce qui suit, c'est simplement pour que certains et certaines d'entre vous soient encouragés à se libérer davantage de la violence discursive que nous exerçons envers nous-mêmes, envers les autres et envers la nature. J'espère également rencontrer plus de compagnons et compagnonnes intellectuels dans cette ère d'effondrement, c'est-à-dire des personnes rejetant l'arrogance et les foutaises d'une culture qui tente de négocier avec sa propre mortalité. Comme nous tous et toutes qui parvenons à des conclusions similaires à celles que je propose dans ce livre, vous suivrez votre propre chemin et vos propres idées pour décider de quelle manière vivre le reste de votre vie. Dans les chapitres suivants, je propose, pour prolonger ma précédente métaphore, une façon de se relever et se redresser afin de vivre une vie utile et pleine de sens à une époque d'effondrement. Il s'agit de mieux comprendre pourquoi tout cela s'est produit et les enseignements à en tirer. Quels aspects vont s'avérer essentiels pour l'humanité et la société dans les temps à venir? De quels exemples on peut s'inspirer en ce qui concerne des réponses citoyennes? Et à quoi nous devons résister face aux réactions néfastes des élites?